Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La qualité respectant l'environnement, c'est la seule clé pour que les produits industriels burundais puissent entrer en compétition avec ceux de la sous-région. Un rappel formulé par le président de la Chambre fédérale du commerce et d'industrie, CFCIB, au cours du lancement ce jeudi de la 6e édition du Salon industriel du Burundi. On fait le point dès le début de ce journal. Des alternatives sont trouvées à certains défis auxquels font face les agents dans le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en cours. Vous entendrez le directeur général du Bureau central de recensement dire comment les recenseurs se débrouillent face notamment au manque de courant électrique et de connexion Internet. La commune Vianda vient en premier parmi celles qui sont dévastées par les feux de brousse dans la province de Bururi. Notre correspondant nous donnera l'ampleur de la situation. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les industries burundaises sont appelées à fournir plus d'efforts en produisant des produits de qualité respectant l'environnement et cela pour qu'ils puissent entrer en compétition avec les autres produits de la sous-région. Cet appel est du président de la Chambre fédérale du commerce et d'industrie, CFCIB, au cours du lancement de la 6e édition du Salon industriel du Burundi. Au moment où certains industriels affirment qu'ils font face à plusieurs défis, comme l'absence du courant électrique, la secrétaire permanente du ministre du Commerce rassure que le gouvernement du Burundi ne va ménager aucun effort pour relever ces défis. On fait le point avec Sheila Irambona. Au cours de ces activités de lancement de la 6e édition du Salon industriel du Burundi, tous ceux qui ont présenté des discours sont revenus sur le thème choisi pour cette année. Le président de la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi, CFCIB, a rappelé aux industriels burundais qu'ils ne sont pas seuls sur terrain, d'où selon lui l'intérêt pour eux de produire de façon responsable. Actuellement, le secteur de l'industrie doit encore relever ses défis, notamment par la compétitivité au sein de la communauté africaine dans la zone de libre-échange continentale africaine, la ZERCAF, qui est un marché unique continental de plus de 1,3 milliard de consommateurs. Il est donc nécessaire que les opérateurs économiques burundais s'invitent davantage dans le processus d'industrialisation du pays qui amène à la compétitivité par la qualité et qui a comme résultante l'accès facile au marché. Même si cela a été évoqué ainsi au cours de ces activités, certains industriels ont affirmé hors micro que ce secteur est hanté par pas mal de défis, dont des coupures répétitives du courant. La secrétaire permanente du ministre de Commerce rassure le gouvernement est à l'œuvre pour trouver une solution à ce problème. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir le secteur industriel. Et beaucoup d'initiatives allant dans ce sens sont déjà amorcées. Nous reconnaissons que vous avez enduré pas mal de défis, surtout dans ces derniers jours. Mais nous vous rassurons que le gouvernement du Burundi ne ménage aucun effort pour trouver des solutions. 60 entreprises ont répondu présentes dans ce salon industriel qui a débuté ce 4. Il sera clôturé le 9 de ce mois-ci. Sheila Irambona, la consolidation de la paix et le développement du commerce frontalier, tels sont certains projets qui seront réalisés dans la deuxième phase du projet Mupaka-Chambaletu. Lors du lancement officiel des travaux de ce projet ce jeudi, Godlive Manirakiza, directrice nationale de l'Association des femmes rapatriées du Burundi, a indiqué que ce projet va aider les femmes commerçantes exerçant le commerce frontalier à se familiariser au secteur formel en payant les impôts et les taxes. Suivez-la. La plus-value de ce projet est vraiment remarquable. Je me souviens, dans la première phase, ce que le projet a fait, c'est d'aider les femmes qui font le commerce transfrontalier à quitter l'informel. Étant dans l'informel, tu ne payes pas les taxes. Étant dans l'informel, tu cours beaucoup de risques. Mais en embrassant le formel, tu travailles dans la légalité. Et dans la légalité, tu t'acquittes des droits fiscaux, notamment les taxes, l'impôt. Et tu es enregistré, tu es reconnu par l'administration et l'OBR surtout. Et à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, il y a les dividendes pour lesquels tu dois payer des taxes. Alors, l'État trouve son compte dans le paiement de ces taxes, mais aussi les bénéficiaires trouvent aussi leur compte en travaillant dans la légalité dans la sécurité, parce que si tu es dans l'informel, tu es sujet de tout mot. Mais en étant dans la légalité, tu travailles à l'aise et ça donne la paix dans la famille, ça donne la paix à la personne qui fait le commerce, ça donne la paix à l'administration. Cette paix est source aussi du développement, parce que en étant tranquille, tu fais tes affaires comme il faut. La plus-value, l'administration en est témoin, les familles en est témoin, les conjoints en ont vécu. Alors maintenant, c'est un développement qui va s'ajouter au développement. Donc, ces femmes qui seront en coopérative vont aussi développer leurs capacités financières pour qu'elles embrassent le commerce tout entier et un grand commerce. Godelive Manirakiza, directrice nationale de l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire rappelle à l'ordre les administratifs qui n'accompagnent pas les agents affectés dans les entités sous leur tutelle pour le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Martin Niteletse n'y va pas par quatre chemins et prévient ceux qui continuent à faire la sourde oreille s'exposent à des sanctions prévues par la loi. On l'écoute. On a appris que dans certaines localités, il y a effectivement réticence de certains administratifs qui n'accompagnent pas convenablement les agents recensés. Mais on avait donné le message de faire ce travail tout à fait nécessaire. Mais s'ils continuent à refuser l'exécution des ordres donnés, et aussi ils seront sanctionnés conformément à la loi. Mais je pense qu'il serait mieux qu'ils se ressaisissent pour que le processus du recensement continue son chemin et qu'on ait des résultats escomptés à la fin de la période qu'on s'est fixée. Le ministre Niteletse appelle également certaines catégories de personnes qui refusent d'être recensées en se cachant derrière leurs croyances à changer de mentalité et à respecter les ordres du pays. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique les considère aussi comme des récalcitrants contre qui la loi doit sévir. Nous avons eu qu'effectivement de certains membres des sectes, notamment les adeptes des ébis et d'autres, qui refusent de se faire recenser. En général, il revient aux administratifs, notamment les chefs de colline ou de quartier, ou les membres des conseils collinaires ou les membres des conseils de quartier, de continuer la sensibilisation à leur endroit pour leur montrer le danger qu'il existe. C'est quoi donc? Le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, de l'élevage, a été décrété par son excellence le chef de l'État, le président de la République. C'est-à-dire quoi? Celui qui ne veut pas exécuter l'ordre du chef de l'État, il est classé parmi les gens qu'on appelle les récalcitrants. Les gens qui ne veulent pas respecter l'ordre, ce sont des rebelles. La rébellion, c'est quoi? C'est le refus d'exécuter l'ordre donné par l'autorité territoriale, l'autorité nationale. Alors, il faudra les sensibiliser davantage pour les montrer le danger qu'il y a. Et s'ils ne se ressaisissent pas, ils seront sanctionnés conformément à la loi, conformément au code pénal du Burundi. Le ministre de l'Intérieur, le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en cours se heurte à des défis liés au déficit énergétique, une connexion Internet insuffisante, la question des personnes sans domicile fixe et celle des personnes non disponibles la journée. Le directeur général du Bureau central du recensement en est conscient et des alternatives à ces questions sont apportées chaque fois que de besoin. Suivez les précisions de Nicolas Naïchimi. Le défi de la disponibilité du courant électrique, c'est que nous sommes obligés chaque soir de prendre les power banks et d'aller les charger dans les lieux où il y a de l'électricité. Pour l'Internet, les agents recenseurs partagent les données le soir avec le chef de district par Bluetooth. Et c'est ce chef de district qui est obligé de se déplacer pour aller chercher le lieu où il peut avoir la connexion Internet et pouvoir envoyer les données sur le serveur. Et je tiens à signaler qu'il y a même certaines localités qui sont sur les frontières où on est obligé de prendre la connexion dans les pays limitrophes. Pour les sans-abri, nous sommes en train de travailler avec l'administration. Les sans-abri sont majoritairement majoritairement ici à la mairie de Bujumbura. Donc les sans-abri seront recensés en une seule journée. L'administration est en train de nous aider à identifier les sites dans lesquels ces sans-abri dorment et c'est au niveau de ces sites que nous allons les recenser. Et ça sera fait en un seul jour. Il en est de même pour les gens qui le matin se réveillent, aller au bureau et rentrer le soir. Nous travaillons avec l'administration à la base. Le Nyumba Kumi, de là où on va faire le recensement le lendemain, est déjà avisé un jour avant. Pour qu'il avise ces ménages qui seront recensés tel jour, les agents peuvent commencer à 6h à recenser et ces gens peuvent aller vaquer à leurs occupations après avoir été recensés. D'autres, on leur demande de rentrer après le bureau à 15h30 pour qu'ils soient recensés. Seulement, il y en a qui donnent les rendez-vous et qui ne les respectent pas. Nicolas Ndayishimiye, directeur général du bureau central du recensement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certaines collines de la province de Bururi sont menacées par les feux de brousse. La commune Vianda, qui compte plus de 10 localités dévastées par ces feux de brousse depuis le mois d'août dernier, est la plus touchée. Ces feux de brousse, dont les auteurs ne sont pas connus, seraient d'origine criminelle, accidentelle et d'autres seraient brûlés par les éleveurs, selon le conseiller technique chargé du développement en commune Vianda. Paul Nsabiyumva rappelle que la stabilisation permanente est toujours en vigueur et met en garde les éleveurs qui seront attrapés avec leurs troupeaux dans les jeunes repousses. Correspondance Zenon Zambumana. Ces feux de brousse se sont déjà déclarés dans plus de 10 localités des collines Ntunda, Gitwaro, Migera, Gweza, Kalehe, Nyakabenga et dans d'autres localités de la commune Vianda depuis le mois d'août écoulé. Les boisements et les feux de brousse de ces localités ont été déjà dévastés par ces feux de brousse qui seraient en majorité d'origine criminelle et accidentelle suite aux travaux de charbonnage et d'autres seraient brûlés par les éleveurs qui cherchent des pâturages, selon le conseiller technique chargé de développement en commune de Vianda. Toutefois, Paul Sabiyumva dit que les auteurs de ces feux de brousse ne sont pas jusqu'ici connus. Il appelle la population de la commune Vianda à couper court avec ce phénomène de feux de brousse qui ravage la biodiversité et qui sont source de l'érosion, surtout sur ces fortes pentes de la commune de Vianda. Cette autorité administrative met en garde les éleveurs qui seront attrapés avec leurs troupeaux dans les jeunes repousses, car ils seront sévèrement punis, surtout que la mesure de stabilisation permanente est toujours en vigueur. Ces feux de brousse s'observent également dans toutes les communes de la province de Bururi. Les communes de Bururi et Rutovu sont également les plus touchées par ces feux de brousse. Au niveau de l'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Bururi, on fait savoir que les données relatives à la superficie et les dégâts occasionnés par ces feux de brousse ne sont pas encore disponibles. Depuis Gweza, en commune de Vianda, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci Zenon, c'est cette correspondance qui met fin à ce journal. Mais avant de nous séparer, un rappel des titres. La qualité respectant l'environnement est la seule clé pour que les produits industriels burundais puissent entrer en compétition avec ceux de la sous-région. Un rappel formulé par le président de la Chambre fédérale du commerce et d'industrie, CFCIB, au cours du lancement ce jeudi de la 6e édition du Salon industriel du Burundi. Et des alternatives sont trouvées à certains défis auxquels font face les agents dans le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Vous avez suivi le directeur général du bureau central de recensement. Il nous a dit comment les recenseurs se débrouillent face notamment au manque de courant électrique et de connexion Internet. Et la commune Vianda vient en premier parmi celles qui sont dévastées par les feux de brousse dans la province de Bururi. Vous avez suivi la situation avec notre correspondant à Bururi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.